J'ai parlé au hibou, il m'a dit va voir le fou. J'ai parlé à la chouette, elle m'a dit va voir la mer. J'ai parlé à la bête, elle m'a dit va faire la fête. Quand j'ai parlé au fou, lui ne m'a rien dit du tout. Il m'a montré la lune en riant aux éclats. Sur son cheval de bois, il parcourait les dunes, nommant toutes les vagues, parlant une à une. Sur son cheval de bois, il parcourait les dunes, nommant toutes les vagues, parlant une à une. Et la mer tout entière lui chantait sa chanson, déroulant sa prière du fond de l'horizon. Écume et goémons, coquillages et poissons, oiseaux blancs et bateaux, le royaume de l'eau. J'ai parlé aux nuages, ils m'ont dit va voir le sage. J'ai parlé aux grands-mères, elles m'ont dit va voir tes frères. J'ai parlé à mes frères, ils m'ont dit faut pas t'en faire. Quand j'ai parlé aux sages, il m'a dit tourne la page. Il m'a montré le doigt du fou montrant la lune, son unique fortune et son unique foi, le geste d'un enfant désignant ce tu vois. Son unique fortune et son unique foi, le geste d'un enfant désignant ce tu vois. Et la vie tout entière lui lisait son roman comme un grand livre ouvert sur un seul feuillet blanc. Hurle dans le vent, sourire d'un enfant, et les grands matins clairs au royaume de l'air. J'ai parlé aux rochers, ils m'ont dit va voir les fées. J'ai parlé à la pluie, elle m'a dit va voir la nuit. J'ai parlé à la nuit, elle m'a dit suis ton envie. Quand j'ai parlé aux fées, elles étaient très étonnées. Elles montraient l'arbre vert tendu vers le soleil, aussi l'arbre en sommeil où la sève se perd, s'endormant en rêvant sous son manteau d'hiver. Aussi l'arbre en sommeil où la sève se perd, s'endormant en rêvant sous son manteau d'hiver. Et la forêt entière tissait d'autres matins, repeuplant les déserts, oubliés des humains. Feuilles écorces et le vin, romarin, sel et pain, et la chair pour sanctuaire au royaume de la terre. J'ai parlé au volcan, il m'a dit va voir l'enfant. J'ai parlé à l'éclair, il m'a dit va voir la pierre. J'ai parlé à la pierre, elle m'a parlé de mystère. En parlant à l'enfant, lui m'a dit prends tout ton temps. Il m'a montré le ciel et toutes les paroles qui montaient s'affolent en déployant leurs ailes, et les peines et les joies qui s'y perdaient s'y mêlent. Montaient sa folle en déployant leurs ailes, et les peines et les joies qui s'y perdaient s'y mêlent. Et le jour tout entier dévorait les étoiles, venant se déployer en déchirant le voile. Flammes, cendres et pétales, fumées braises et centales, jaune, orange, rouge et bleu, le royaume du feu.